Les délégués à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung ont visité le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchon, le haut lieu de la guerre de libération de la patrie et le musée de la guerre de libération de la patrie.